Les médias étrangers ont traité les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. La radio russe Sputnik, la revue internet russe Lemchichi, l'embâge internet russe Patrioti Moscovin, le journal laotien Bientian Times, l'embâge internet du forum anti-impérialiste allemand Nouvelle des Inspections, l'embâge internet du comité national nigérien d'études du kim-sunisme kim-jong-lisme, du comité national d'études des études du Congo démocratique et du comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien, ont présenté la nouvelle de l'inspection par le maréchal coréen de la fabrique des articles hygiéniques dentaires nouvellement construite. Le journal népalais Arfon et les homepages internet de l'Association des journalistes népalais d'études des études et de la politique de Sungun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont rapporté la direction du maréchal Kim Jong-un du lancement d'essais de missiles de croisière sol-mer de type nouveau, nouvellement développé par l'Académie des sciences de défense nationale.